Salut et bienvenue à tous dans l'épisode 0 de la Ape List. Salut Cornelius, comment ça va? J'ai déjà clairement une idée en tête pour la Ape List. L'idée, elle est pas nouvelle, c'est juste prendre un thème et passer 10 morceaux qui se rattachent à ce thème. Donc oui, ça ressemble beaucoup à On s'écoute ça tout de suite, Copière. Ah mais je bon? pense pas qu'ils ont déposé le concept. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e, déjà 11 numéros dont s'écoute tout de suite. Ouh. Quel plaisir chaque semaine de retrouver Vincent, l'élève studieux de cette émission. Comment ça va Vincent? Eh oui, c'est moi qui ai bossé. Et oui, c'est toi qui as bossé. Et t'as bossé sur quoi? Parce que c'est quoi le thème d'aujourd'hui Vincent? Alors, je vais juste expliquer l'intro pour expliquer le thème d'aujourd'hui en fait, si ça te dérange pas. Dans la petite intro que vous avez entendu juste avant, il y avait un extrait du podcast de Cornelius qui a lui aussi lancé son émission de playlist, alors on lui souhaite bon courage et tout. D'ailleurs, t'as écouté, c'était bien? Ouais, c'était cool, ouais. Ouais. Et donc, il nous cite, alors gentiment, on le traite de plagieur, mais c'est pas vrai, c'est juste de bonne c'est guerre. C'est bonne guerre. On en a déjà parlé dans le précédent c'est numéro. C'est un de nos auditeurs assidus, donc forcément, on lui fait un petit coucou. Donc, vous allez sur docteur-zaius.podcloud.fr pour l'écouter. Voilà. Exactement. Et donc, ça nous amène au sujet d'aujourd'hui. Le plagiat. Les plagiats. Alors, ça nous est venu comme ça. On va diffuser des plagiats, des plagiés. Donc ça va dans les deux sens. On va tout bien vous expliquer, vous inquiétez pas, avant chaque morceau. Il y a des bons morceaux dans les deux côtés, plagiat au plagiat, tu sais. Et on va pas mal blablater entre les morceaux. Un petit peu plus qu'à l'accoutumée. Ouais, alors on va passer des extraits et tout. J'espère que ce sera pas trop lourd pour vous, mais voilà. Mais sinon, si on passe pas de comparaison, ça sert à rien de faire un truc sur les plagiats, quoi. Et on va commencer direct avec... Déjà, direct ? Ah ouais, t'inquiète pas, je dirais à la fin que vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur PodCloud. On fera ça à la fin. Et tout ça. Et on va commencer direct avec un des mecs les plus cools de la Terre, un peu comme toi, comme moi, comme c'est tout en fait, ouais. Comme lui aussi, c'est un petit peu comme si on était des rockstars, c'est Rod Stewart qui arrive en 78 avec ce tube planétaire que vous connaissez tous, Do You Think I'm Sexy, on s'écoute ça tout de suite. Là, je vais vous demander tout de suite hein, de bien écouter, de bien vous concentrer, parce qu'on va parler non pas de une, non pas de deux, non pas de trois, mais de quatre chansons différentes. Ah, putain. Attention, on commence avec la première chanson. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 76, les Rolling Stones sortaient Miss You. Vous savez, Miss You. Bon, c'était Mick Jagger qui était sorti en boîte et qui s'était dit « Putain, la disco, c'est pas mal. Pourtant, les Rolling Stones, c'est un groupe de rock, mais moi, pour une fois, je vais leur proposer une chanson et ça va être une chanson disco. » Bon, voilà, énorme succès. Et Rod Stewart, hein, qui était avec les Faces avant, il se dit « Putain, c'est pas mal la disco et tout ça. » Et du coup, il a l'idée de ce titre-là, « Do You Think I'm Sexy ?» Le truc, c'est qu'en 72, c'est-à-dire 4 ou 5 ans avant, ouais. George et Ben, un artiste brésilien, il me semble, sortait Taj Mahal. Il y a du plagiat dans l'air. Hein. En fait, Rob Stewart, il a expliqué dans son autobiographie que lors d'un voyage au Brésil, il n'avait pas arrêté d'entendre à la radio Taj Mahal. C'était resté en fait dans sa tête et il l'aurait plagié inconsciemment au moment de faire Do You Think I'm Sexy. Du coup, il a été accusé de plagiat, bien sûr, par les avocats de Jorge Ben. Et du coup, pour se défendre, il a dit « Bah ouais, c'est un plagiat inconscient et tout ça. » Et depuis, il donne toutes les royalties de la chanson. Et il y en a des royalties sur cette chanson. Ah bah, il y a du pognon là-dedans. Il donne tout ça à l'UNICEF, donc c'est plutôt cool. Et on va parler enfin de la quatrième chanson. Vous avez bien vu, il en manque une. Hein. C'est une chanson de Bobby Womack, « If you want my love, put something down on it ». Et en fait, l'arrangement des cordes, de Bobby Womack, c'est exactement le même air que joue le synthé. Tu m'as fait écouter. To anyone that's looking for love, and that's why I'm telling you. Donc voilà, c'est une chanson avec deux plagiats. Bah limite, moi, t'aurais peut-être dû mettre Taj Mahal parce que hier, du coup, je l'ai écouté en boucle et c'était vachement bien. On va continuer avec un plagiat. On va s'écouter un morceau de Bruce Springsteen, Radio Nowhere. On va en reparler juste après. Mais je suis bien content de dégager le morceau de Springsteen dès le début de la playlist parce que, bon, le morceau, il est sympa, mais Springsteen, je t'avoue que moi, c'est pas vraiment mon truc. Hein. Ah, moi non plus. Et ça me passe un peu à côté. Donc, on s'écoute tout de suite Bruce Springsteen avec Radio Nowhere. Driving through the misty rain. Donc emballer, c'est peser, on se débarrasse de Springsteen pour le reste de la playlist, allez, hop, voilà. C'est pas ouf, voilà, c'est sympa, mais bon, c'est Springsteen. Plus, voilà. Mais Bruce Springsteen, c'est le boss, celui qui a écrit des centaines de chansons, des hits à gogo. Alors on pourrait se dire, ce serait quand même con, aberrant même, s'il avait été pris la main dans le sac de plagiat. Eh bah, c'est peut-être pas évident pour vos oreilles, mais a priori, il y aurait dans ce morceau de Bruce Springsteen un petit peu de plagiat d'un morceau qu'on avait déjà diffusé dans les One Hit Wonders. Le morceau qui s'appelle 867530 de Tommy Tutton. Donc plagiat, pas plagiat. Eh ben en fait, le riff d'ouverture et la progression des accords, c'est vraiment similaire au morceau de Tommy Tutton. Et Tommy Heath, le chanteur, hein, qui s'est d'ailleurs exprimé là-dessus, après qu'on lui ait pointé la ressemblance, et qu'est-ce qu'il en pense ? Eh ben pour lui, c'est suffisamment proche pour considérer une action en justice. Hein. Alors ça, c'était en 2007, et à l'heure actuelle, j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression qu'il y ait eu quelque chose en justice, en tout cas. Mais peut-être que les avocats de Springsteen font assez peur à Tommy Tutton. Ou il y a peut-être eu un accord à l'amiable et on n'en sait rien. Peut-être. Mais en tout cas, en 2007, il disait lui-même, hein, je cite, « Attaquer en justice pour l'argent, c'est pas trop mon truc, mais bon, en même temps, mes enfants vont avoir besoin d'un appareil dentaire, alors pourquoi pas ?» Et oui, il n'y a pas de petites économies hein, dans le monde. Voilà, Obamacare en 2007, c'était pas encore ça. Non, Obama démission. On continue avec un groupe réputé pour ses plagiats, on va y revenir tout à l'heure, mais là c'est une petite mise en bouche avec Don't Look Back in Anger. Concentrez-vous sur l'intro, Oasis, on s'écoute ça tout de suite. Step outside, cause Faut savoir qu'Oasis, hein, c'était des grands fans des Beatles. Alan McGee hein, a même raconté les avoir signés sur son mythique label, Creation Records, que vous tout connaissez à fait. Tous, avec Primus Cream, Jesus and Mary Chain. Ah oui. Quand même, hein, c'est pas un guignol, parce qu'ils reprenaient en live à leur début I Am the Walrus au début des années 90, où personne, absolument personne, écoutait les Beatles et reprenait les Beatles. Et d'ailleurs, en parlant des Beatles, Vincent, tu pourrais me dire les quatre noms des Beatles. Alors, il y a Ringo Starr, il y a George Harrison, il y a Paul McCartney, il y a John Lennon. Et à ton avis, le plus mythique, c'est qui? Bah, c'est Ringo, bien sûr. John Lennon, évidemment. Alors, si vous avez bien écouté l'intro, hein, ça peut vous faire penser à... Il y a un petit quelque chose. Il y a carrément un petit quelque chose, oui. Si vous avez bien écouté l'intro, ça vous fait penser à Imagine, hein, le tube de John Lennon qui a été composé juste après les attentats de Paris, hein, comme tout le monde le sait. Du coup, John Lennon a plagié Oasis parce que je sais pas si vous savez que Don't Look Back in Anger est sorti en Landgrace 1995. Ah ouais? Ouais, ouais. Putain, oui. Et oui, théorie du complot. Non, plus sérieusement, il n'y a pas eu de procès pour plagiat ou quoi que ce soit, hein, de la part des descendants de John Lennon. Les quelques notes de piano, en fait, sont plus considérées comme un clin d'œil, un hommage. Mais vu la propension du groupe à plagier, on je me suis dit après. Qu'il y avait peut-être un petit quelque chose. Bah, c'est vrai que c'est des gros pompeurs, on verra ça après. Allez, on continue avec un grand classique, si je te dis Ligouane, tu me dis Le reptile, Iggy Pop. Iggy Pop, bien sûr. Alors, on va tout de suite s'écouter Are You Gonna... Ah non, ma langue a fourché. On va s'écouter Less For Life d'Iggy Pop. On s'écoute ça tout de suite. Yeah. Lust for Life, morceau iconique hein, s'il en est. Hein. Alors c'est vrai que c'était coécrit par Iggy Pop et... Et David et Bowie. D'ailleurs, Iggy Pop a fait les paroles. David Bowie, il a composé au ukulélé. Voilà, à la base, par ailleurs. Et 25 ans plus tard, sortait Are You Gonna Be My Girl de Jet. Alors, la ressemblance est quand même plutôt frappante. Hein. Ah bah c'est clair. Et même toute l'histoire, elle est un peu bizarre, parce que Chris Sester, je crois que ça se dit comme ça, le chanteur de Jet, a déjà rencontré Iggy Pop, et il en a profité pour lui parler de toute cette histoire. Et qu'est-ce qu'Iggy Pop lui a répondu ? Je m'en bats les couilles. Il lui a répondu qu'à l'époque de Lust for Life, en fait, lui-même, il pompait pas mal sur la Motown, et le chanteur de Jet était complètement d'accord, parce que lui aussi, il a pompé le morceau des Supremes, qui s'appelle « You Can't Hurry Love ». Ah, il y a quelque chose, hein? Ouais. Et oui. Et bien sûr, c'est pas fini, parce que tant qu'on est dans la Motown, et ben, il y a aussi un morceau de Martha et the Vandellas, hein, I'm Ready for Love. Et ben voilà, tout se recoupe, voilà. Donc en gros, les deux ont pompé sur la Motown. En tout cas, donc Lust for Life, hein, comme on a dit, c'est iconique, parce qu'on se rappelle tous la scène d'introduction de Trainspotting, hein. Parce que je rappelle, non, que dans Lust for Life, Iggy Pop nous parle de sa vie de gros accro à l'héroïne. N'est-ce pas, Noé ? N'est-ce pas, Noé ? Et tu me lâches un point magnifique. Une transition toute trouée. Exactement, puisqu'on va parler des Chiffons. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en préparant l'émission, j'avais que des longs morceaux de 5 minutes et des trucs comme ça. Du coup, je vous ai sélectionné un petit morceau des Chiffons qui s'appelle Is So Fine. Il me semble qu'elles étaient à la Motown aussi. Oui, exactement. Le morceau dure 1 minute 56, donc c'est plutôt cool. On s'écoute ça tout de suite. He's so fine. Wish she were mine. That handsome boy over there. One with the wavy hair. I don't know how I'm gonna do it. But I'm gonna make it mine. Be the envy of other girls. It's just a matter of time. He's a soft-spoken guy. Je vous ai dit, conneries, en fait, elles ont sorti la plupart de leurs albums, il n'y en a pas beaucoup, mais quelques-uns, et de leurs EP surtout, chez Laurie Records. Et non pas à la Motown. À la Motown. George Harrison sort en 1970, My Sweet Lord. He's so fine, wish he were mine, that handsome boy over there. Il y a un petit quelque chose quand même, moi je dis pas. Alors là, oui, c'est du bon gros plagiat qui tâche bien gras sur la veste et qu'on a du mal à enlever. En 76, 6 ans après la sortie de My Sweet Lord, George Harrison est condamné pour un, je vous le donne en mille, un plagiat inconscient. Ça va être un petit peu le mot d'ordre hein, de cette émission. Le plagiat inconscient, ça me semblait le bon truc, quoi, franchement. Ah oui, tous les avocats disent ça. Ringo Starr déclara dans la presse d'ailleurs que George hein, n'avait pas de chance et qu'un paquet de chansons avait été écrites avec un air différent dans la tête. N'empêche que là, c'est assez difficile à nier. Alors, on aurait pu en rester là, hein, mais juste avant, objection de, juste avant de commencer cette émission, j'ai pris place à la table, à ma place de d'habitude, et on est chez moi, et j'ai un poster des Beatles, hein, un poster qui annonçait leur première tournée aux États-Unis, le premier concert qu'ils ont fait, hein, vous savez, au Washington Sports Arena, où il y a même des images où t'entends rien, parce que les filles font que de crier. En février 64. Le 11 février 1964, et il y a marqué les autres groupes qui jouent avec. Alors, il y a The Caravels, il y a Tommy Rowe, et il y a les Chiffons. J'avais jamais remarqué ça. Alors juste en m'asseyant, voilà, il y a une photo de George Harrison qui joue à côté avec les Chiffons. Donc, forcément, il a entendu cette chanson, parce que c'était leur plus gros succès. Hein. C'est vraiment les Chiffons, elles sont connues pour un morceau, c'est celui-là. Ouais. Donc voilà, plagiat inconscient, je sais pas, mais il y a plagiat quand même. Et ce qui est con, c'est que t'as ce poster depuis des années. Hein, je l'ai depuis 4 ou 5 ans. On va s'écouter maintenant un plagiat avec Killing Joke. On n'a jamais passé de Killing Joke jusqu'à maintenant. Ça, c'est vrai. Un de leurs morceaux aurait été plagié par... Un de leurs morceaux aurait été plagié par Nirvana. Je vais vous laisser deviner, c'est très simple, vous allez voir. On s'écoute tout de suite Killing Joke avec 80s. Push up. Killing Joke, gros groupe de rock britannique hein, de la période post-punk. Et ils ont fortement influencé pas mal de formations. Alors tu as peut-être reconnu le morceau de Nirvana qui aurait peut-être plagié Killing Joke, attention. Comme As You Are. Donc deux riffs franchement très proches, hein. Mais comme je te disais, c'est peut-être pas anodin, parce que Killing Joke, c'est un groupe qui a une grosse influence dans les années 80, il y a eu Korn, Metallica, Soundgarden et tout, mais également Nirvana. Mais et... non, ça c'est les années... Ah, dans les années 90 alors. Oui, oui, par la suite, hein, bien sûr, c'est l'influence qu'ils ont eu par la suite. Et Nirvana également, et Kurt Cobain s'est jamais caché d'ailleurs d'avoir eu Killing Joke comme influence. Mais là où c'est bizarre, c'est que les membres de Killing Joke, ils ont crié au plagiat. Et encore maintenant, l'histoire elle est assez floue. Hein. Selon Rolling Stone Magazine, Killing Joke n'a jamais... tenter quelque chose en justice parce qu'à l'époque il n'avait pas assez d'argent et c'était un peu fauché, j'ai l'impression. Ouais. Par contre, il y a un autre magazine qui raconte qu'il y a bien eu une affaire, il y a bien eu une affaire au tribunal, mais rejetée par le juge. Voilà, faut vous mettre d'accord, hein, journaliste. D'un autre côté, Kurt Cobain, lui, il a plaidé coupable, mais tu vois, c'est très flou parce qu'il s'est inspiré, mais il plaide coupable. Mais d'un autre côté, Killing Joke a fait un rapport de musicologue, bien sûr, de musicologue pour attester que les deux morceaux se ressemblent, et ils ont écrit à Nirvana et leur éditeur, mais eux, l'éditeur a dit. Ah bah non, on n'a jamais entendu parler de Killing Joke, non non, cassez-vous. Et donc voilà, ils ont été déboutés, alors c'est pour ça que c'est bizarre. Nirvana, enfin Kurt Cobain a dit, oui, ils ont une grosse influence sur notre musique, et l'éditeur a dit non non, on connaît pas du tout Killing Joke, c'est vraiment très bizarre. On continue dans les groupes britanniques avec un des meilleurs groupes britanniques de tous les temps. Mais vous savez, c'est le genre de groupe qui a du succès qu'en Angleterre. Genre ouais. Comme Biff Clyro, Mumford & Son, bon j'aime pas tous ces groupes là, mais moi non plus. On va parler d'un groupe que pardon, qui est vraiment cool. C'est dommage, mais en même temps ça leur fait quand même tout leur charme. Hein. The Jam avec Set the House Ablaze, on s'écoute ça tout de suite. Thank you. Je lisais ça un peu plus tard qu'il y a 2 heures sur un forum qui n'est pas le forum 15-18, je vous rassure. Ah merde, que c'est 18-25 en fait. Que le principal problème des jams, c'est que tout le monde en avait rien à foutre. Alors que le groupe est génial, hein, il a commencé avec des chansons hyper énergiques, hein, en 77 c'était obligé de toute façon, texte politique et compagnie. Hein. Puis ils ont évolué avec leur temps, comme les Clash l'ont fait par exemple, hein, sauf que eux, ils se sont séparés au sommet de leur gloire et ils se sont jamais reformés. Même pas pour des millions, alors qu'on leur a proposé des sommes pharaoniques ou faramineuses. Choisissez le mot qui vous convient mieux. Et peu de groupes hein, peuvent dire ça. Hein. Mais les Sex Pistols se sont reformés. Les Guns N' Roses se sont reformés, tout ça pour le pognon. Bref, le problème, c'est que tout le monde s'en fout donc. Et que tout le monde continuera de piller les jams. Hein. Et je sais pas si c'est conscient pour Bloc Party. Parce que, bah, non, je pense que c'est inconscient comme d'habitude. Ils ont entendu ça quand ils étaient gamins et tout ça. Mais. Et aucune poursuite judiciaire d'ailleurs n'a été entamée par les jams. Mais. Quand même, ça se ressemble vachement beaucoup. Parce que je ne vous ai pas parlé de Bloc Party, dis donc. Mais oui, dis donc. Ce serait un petit peu le thème de l'émission. Ouais, ce serait un petit peu le thème de l'émission, le coup de la joie. Bah oui, Bloc Party, ils arrivent avec Hélicoptère en quelle année? Je ne sais plus, dans les années 2000. Ouais. Je pense que c'est inconscient. Ouais, mais ça se ressemble quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, après, voilà, Hélicoptère, c'est une super chanson. Ça rappelle plein de souvenirs à plein de monde. Mais soyez sympa, franchement, je le demande en tant que qu'animateur. On s'écoute des titres, j'ai pas d'autres titres. Oh, merde. Oh, la loose, quoi. Écoutez les jams et découvrez le groupe le plus sous-estimé de l'histoire du rock. Eh bien, continuons, mon cher Noé, continuons avec les Kings, parce qu'on aime tous les Kings. Hein. Tout le monde aime les Kings. Tout le monde aime les c'est Kings. C'est comme Foo Fighters, tout le monde aime les Kings. Non, j'aime pas Foo, ouais. Bon, on va s'écouter Picture Book par les Kings, on s'écoute ça tout de suite. Picture yourself when you're getting. Ça fait toujours plaisir. Hein. Ça fait toujours plaisir. Un morceau de 1968, mais voilà, Stupeur, 32 ans plus tard, on retrouve exactement la même instru. Et le fautif, Green Day et son single Warning. c'est quand même... voilà. J'aime beaucoup la page Wikipédia qui nous dit « Il faut cependant noter une ressemblance avec le titre Picture Book des Kings. » Alors, c'est même pas une ressemblance, pour moi, non, c'est exactement ça. Pareil. Donc, la suite de l'histoire, alors, bah, figure-toi qu'il y a quand même des histoires de dingue, parce que c'est même pas les Kings qui ont gueulé. Alors, je sais même pas s'il y a encore des membres en vie, les Kings, d'ailleurs. Aussi, Dave Davis. Ouais, bon, voilà. Et bon, ouais, les Kings Davis. N'ont pas gueulé. Ouais, en fait, c'est le chanteur d'un obscur groupe anglais qui s'appelle Other Garden. Je sais pas si tu connais. Non. Non. Ouais. Et ben, selon lui, le chanteur de ce groupe, c'est Green Day qui a pompé tout son morceau en 1992. Hein, un morceau intitulé Never Got the Chance. Mais c'est pareil. C'est exactement pareil. Ouais, ça, c'est fort. Ouais, le chanteur de Other Garden, il a affirmé que son morceau, à lui, était plus ressemblant à celui de Green Day que celui des Kings. Voilà. Voilà. Ah, mais c'est comme le frère jumeau qui dit à l'autre, ouais, de nous deux, t'es plus le ressemblant. Bah... et justement, c'est quoi sa défense à ce chanteur inconnu hein. Il nous dit qu'il n'avait jamais entendu les Kings avant, et donc il a demandé des royalties hein, à Green Day. Mais je sais pas si il a eu gain de cause, ça m'étonnerait. C'est un peu gros cette histoire. Hein. Le mec, il accuse Green Day de plagiat, alors que son morceau est aussi proche du plagiat. Ben, si je puis me permettre, ça me fait penser à l'histoire de Shakira, hein, qui avait repris, il me semble que c'était Waka Waka. Ouais, exactement. Et c'était un plagiat, mais en fait, c'était le plagiat d'un plagiat. C'était une reprise, en fait, d'un plagiat. Ouais, exactement. Du coup, elle a pas été inquiétée, mais c'est le mec qui a plagié la première fois. Je sais plus si Waka Waka ou Loka Loka. Mais c'est... Donc, dans ces cas-là, c'est un peu l'hôpital qui soulève la charité. Exactement. Attention, c'était le moment que là, vous c'est... attendez tous. Alors là, pour expliquer le aux gens, chiant c'est, au montage le moment pour Vincent. Où... c'est le moment chiant au montage, bien sûr, pour moi, mais ce moment où Noé, il a rien bossé, alors il va nous faire, c'est... Honorable Mention. C'est mention honorable. Ou plutôt les voilà. Mentions honorables. Donc, ça veut dire que là, il a rien préparé, il va juste dire des titres et c'est moi qui ai bossé après. Alors, on a bien sûr, hein, ça c'est du récent, c'est du tout frais, c'est du tout frais, beau, hein. C'est du tout neuf. On a Breakbot avec son titre Baby I'm Yours, hein, qui s'est fait complètement plagier par Bruno Mars. On a bien sûr Cookie Dingler, hein. Vous vous rappelez Cookie Dingler ? Ne la laisse pas tomber. Et bah qui a bien plagié Iggy Pop avec sa super chanson The Passenger. L'Eurovision, tout le monde regarde l'Eurovision, ah, bien tout sûr. Le monde aime l'Eurovision, tout le monde live tweet l'Eurovision. Eh bien, vous vous souvenez de Twin Twin, hein, oui, avec moustache, leur hit moustache. Moustache qui était arrivé, il me semble, dernier. Et bien sûr, qui ont été accusés de plagiat par Stromae, qui avait exactement. Sorti Papa Outé. Bien un jour, on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables ? Serons-nous admirables ? Des géniteurs ou des génies ? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables ? Quelque chose me manque, mais quoi? Je veux ci, je veux ça. Quand je dors, je fais des rêves en dollars. Tous les jours, j'ai un nouveau costard. Chez moi, tout est neuf, tout est beau. Le monde pleure derrière mes rideaux. Je m'en fous, j'habite au dernier étage. Je connais même pas ma femme de ménage. Ça, c'est vrai qu'il y a un truc. Il y a un truc. Bien sûr, on a du sacré là, on a du on touche pas. Hein. Ah. Il y a Led Zepp hein, avec bien sûr Stairway to Heaven. Hein, ah, bien sûr. Qui se sont bien fait engueuler par le groupe Taurus. T'as vu, je parle comme Camille Combal. Ouais. Oh, il est j'étais pas content le groupe Taurus. Qui, hein. 3 ans plus tôt, avait sorti ce hit. Attention, là, on va partir dans les groupes un peu nazes. Coldplay, hein, selon Liam Gallagher, meilleur groupe féminin 2008. Très bon. Qui aurait plagié Joe Satriani avec leur tube Viva la Vida. I used to the world, sees it rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Et bien sûr, hein, c'était pas le coup d'essai de Coldplay, hein, puisqu'en 2012, avec leur chanson Every Teardrop is a Waterfall, ça pourrait être un titre de Stone Roses, je trouve. Eh bien, ils ont plagié, tenez-vous bien, l'artiste jamaïcain Sean Paul. Non. Je te jure, oh, avec son tube She Doesn't Mind. Putain, mais Coldplay, il plagie même Sean Paul, quoi. Et bien sûr, hein, on va vous faire un petit best-of hein, que Vincent est en train de vous concocter. Là, c'est dans les tuyaux, ça va sortir bientôt, vous inquiétez pas. Un petit best-of des One Direction, alors leurs meilleurs intros plagiées. Clara, c'est pour toi, parce qu'on a déjà parlé partout sur YouTube, mais on voulait quand même faire un petit clin d'œil pour toi, Clara, avec bien sûr du plagiat de The Who. Il y a des clashs. Et Simon Cowell, hein, qu'on embrasse, qu'on a vu sa bite. On est en train de partir en roue libre. Vous avez pas vu ça sur les réseaux sociaux, non. Tout le monde parlait de Simon Cowell. On demandera à Clara. On voyait sa bite pendant une émission, et ça, un petit peu comme Afida Turner, mais du coup avec un sexe masculin. Enfin bref, voilà, c'était le producteur des One Direction, et c'est tout pour mon Honorable Mention, même s'il y en a beaucoup, la liste est non exhaustive, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires. Merci Noé pour ce moment de fainéantise totale. Oh, alors, pas mal. On pouvait sûrement pas faire une émission sans parler de ce cas de plagiat. Hein. Mais avant de déflorer le sujet, on va s'écouter Under Pressure par Queen et David Bowie. On s'écoute ça tout de suite. So slashed and torn. Give love, give love, give love. Sacha. Under Pressure, sorti en 81, gros carton, hein, franchement. Mais il y a toujours un mystère autour de cette chanson, qui a réellement écrit la ligne de basse. Et ça, on sait toujours pas. On ne sait pas. Après, ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est un morceau du rappeur Vanilla Ice, hein, qui s'appelle Ice Ice Baby, qui, disons, propose quelques similitudes avec le morceau. Hein, trois fois rien. C'est subtil, hein. C'est subtil. Subtil, attention. Voilà, si vous n'avez pas entendu la différence, ne vous inquiétez pas, c'est il normal. Il y a eu les deux morceaux, là. Il y a eu les deux morceaux, mais c'est exactement la même chose. Hein. Donc, Vanilla Ice a abondamment samplé le morceau de Queen et Bowie, hein, sans leur demander la permission. Mais ce qui est marrant, c'est comment ils s'en sont aperçus, en fait, du plagiat. À l'époque, Brian May, le guitariste de Queen, il s'amusait dans une boîte de nuit à Dublin, quand il a entendu ce morceau hein, de Ice Ice, enfin Vanilla Ice, et il demande au DJ, mais qu'est-ce que c'est ? Et il lui répond, ah ça, mais c'est numéro 1 aux États-Unis, ma couille. Enfin, il a pas dit ma couille, mais presque. Hein. My balls. Alors bien sûr, les choses ne s'arrêtent pas là, même si au final, il n'y a pas eu d'action en justice hein, de la part de Bowie et Queen. Tout s'est réglé en scred, hein, à l'amiable. Hein. Vanilla Ice aurait dédommagé de, enfin, Bowie et Queen. Apparemment, on parle d'un sacré paquet de pognon. On n'a jamais su la somme réelle, mais ça fait un gros paquet de pognon. Un peu de truc récent, ça fait pas de mal. Ouais. Enfin, l'affaire est récente parce que la chanson originale, celle qu'on va écouter maintenant, oh, elle date de 1977. Got to Give It Up de Marvin Gaye. On s'écoute ça tout de suite. We'll be right back. avez mis le plagiat d'abord, hein, vous l'aurez eu dans la tête toute la journée, donc vous pouvez me remercier quand même, je suis assez sympa, je trouve. Bon, là, je suis sûr que vous avez déjà tous entendu parler de cette affaire. Hein. En 2013, sort Blurred Lines, un gros succès, comme vous le savez, hein, qui n'aura d'égal cette année d'ailleurs que Get Lucky de Daft Punk et Quand il pète, il trouve son slip de Sébastien Patoche, ah, en ouais. France, véridique, au niveau des classements iTunes. Sauf que Tonton Pharrell Williams, hein, s'est largement inspiré de la chanson de Marvin Gaye. Marvin Gaye. Marvin Gaye. Voilà, donc c'est ostensiblement pareil. Là, il y a eu procès, il n'y a pas eu de plagiat intentionnel ou quoi que ce soit. Alors ouais, là, non, on est dans le bon, là. Ouais, ça y est, on est dans le vif du sujet. Tu vas pas te défiler, Pharrell, cette fois-ci. Hein. Parce que déjà que, hein, déjà que la chanson de Daft Punk, la Get Lucky, l'artiste coréen là, qui faisait une vidéo sur YouTube et qui faisait exactement pareil, on a entendu parler aussi. Hein. Pharrell et Robin Thicke hein, ont été condamnés. Robin Thicke, c'est le mec qui chante. Ont été condamnés à verser 7,4 millions d'euros aux héritiers de Marvin Gaye. Ah oui, quand même. Bon, c'est sympa. Hein. Après, vu ce que la chanson leur a rapporté, il faut savoir quand même que Blur et Lines, hein, il a bien créé la polémique. Hein. Ils ont eu plusieurs ennuis judiciaires quand même. Parce que pas mal d'associations leur ont reproché de faire, de rendre glamour le viol, en fait, et de faire l'apologie du viol. Donc voilà, c'est vraiment une chanson fréquentable. Hein. Je pense que si je dis à mes parents, ouais, ce soir je sors boire un verre avec Blur Headlines, ils seraient pas très très contents. Bon, alors on en a parlé tout à l'heure, hein, on revient sur Oasis, les rois du plagiat. Hein. En 1994, il me semble, sort Cigarettes and Alcohol, un excellent morceau d'Oasis, hein, vraiment très bon. Ah, trop mais bien. Qui ressemble à s'y méprendre à Galilean de T-Rex. On s'écoute tout de suite Cigarettes and Alcohol d'Oasis. Is it my imagination? Donc cette chanson d'Oasis est connue pour être très très... Arrête de toucher les retours, ça fait du bruit. Cette chanson d'Oasis est connue pour être très très proche de Gallatin de T-Rex, hein, et c'est Noel Gallagher, le guitariste d'Oasis lui-même, hein, qui a emprunté le riff principal, et il s'en est d'ailleurs jamais caché. Quand Noel Gallagher est arrivé avec le groupe en salle de répétition et qu'il a commencé à jouer le riff, Bonhead, le guitariste rythmique d'Oasis, a immédiatement répliqué « Tu peux pas faire ce riff, c'est du T-Rex ». Et Noel, lui, il a dit « J'en ai rien à foutre de qui c'est, personne ne s'en apercevra ». Bah, c'est raté. Et en fait, à l'époque... C'était sans compter sur Vincent. Et oui, moi je suis là, je vois tout. Hein. Et en fait, à l'époque, le groupe partageait l'espace de répète avec plusieurs groupes, plusieurs autres groupes, hein, et qui n'ont pas franchement été impressionnés de ce vol de riff. Hein. Et du coup, quand Aziz est revenu un autre jour pour une répète, ils ont trouvé une note scotchée sur la porte, une note qui disait « Trouve tes putains de riffs toi-même ». Voilà, comme quoi. En fait, tout ça, c'est pas étonnant, parce qu'au final, si on creuse bien, Oasis, c'est le plagiat, c'est une longue histoire. Hein. Sans vouloir troller, parce que j'aime bien Oasis, même si Blur, c'est mieux. Mais voilà, sans vouloir troller. Donc, écoutez, par exemple, attentivement « Do you know what I mean » d'Oasis, vous trouverez une certaine ressemblance, les mêmes accords, la même rythmique que bah, « Wonderwall » d'Oasis. Et oui, donc Oasis est tellement à la ramasse que Oasis se plagie lui-même. Ça me fait penser un petit peu à ACDC. Enfin, Oasis ont autant de renouvellement qu'ACDC. On va finir par un petit groupe hein, que j'aime bien. Enfin, tu finis pour pas toi, très, bien très sûr. Connu, hein, surtout par les fans de One Direction apparemment. Les Who. Who. Mais en avril 1964, Peter Maiden, qui était alors leur manager, le grand Peter Maiden, paix à son âme, le mode ultime, machin, mes fesses. Ils rebaptisent les Who les High Numbers, ce qui signifie en argot mode stylé. Oh la man, you are numbers, c'est-à-dire t'es stylé quoi. Et pour bien affilier les High Numbers, hein, les nouveaux High Numbers à la scène mode londonienne, il leur a écrit une chanson qui s'appelle I'm the Face. Un face en langage mode, c'est genre un leader, tu vois, un mec qui lance les tendances et les tickets, c'est ceux qui suivent. Ah tu d'accord, vois, ouais. C'était le face et les tickets. Par exemple, il y avait qui comme face à l'époque? Bah, Mark Bolan, le chanteur de T-Rex. Ah, bah oui, justement. Qui ne faisait pas encore T-Rex, mais c'était un face. Hein. Il avait 16 ans et pourtant c'était un face. David Bowie, c'était un face aussi. Ça m'étonne pas, toi. Tout ça, c'était vraiment avant qu'il soit hippie et tout. En 68, c'était déjà plus les modes, mais à l'époque, c'était des vrais grands modes. Enfin, bref, I'm the face des High Numbers. On s'écoute ça tout de suite. If you wanna do all the others are third class tickets by me, baby, is that clear? I'm the big wheel, baby. Won't you roll with me? I'm the big wheel, baby. Won't you roll with me? So many times down the scene, huh? But it's hard to see. If you want it, I'm Et dans cette liste de face hein, que je commençais à énoncer avant, on peut aussi rajouter Rod Stewart, dont on a parlé au début de l'émission. Bien sûr. Et bien sûr, Steve Marriott des Small Faces, ça c'est vraiment... Et Laurent Marriott de TF. Et aussi Lionel Chamoulot. Okay. En 64, tout le monde à Londres reprend du blues, hein, les Yardbirds, puis les Kinks, ils vont reprendre un titre de Slim Harpo qui s'appelle I Got Love If You Want It. Même l'harmonica et tout, il a tout pompé. Le riff va donc plaire à Peter Midden, et du coup, ben, il va juste changer les paroles, et il va s'attribuer la chanson, hein, il va signer Peter Midden, compositeur. Mais c'est juste un plagiat inconscient, bien sûr. Oui, voilà. Non, pas du tout, là, pour le coup, c'est vraiment un bon plagiat, tu vois. Mais les bluesmen, ils ont pas de thunes, c'est une notoriété publique aussi, sûr. Et du coup, il n'y a pas eu d'action en justice. Le single sort comme ça chez Fontana, avec, en face B, une chanson intitulée Zoot Suit. Alors ça, les Zoot Suit, c'était les... Ouais, c'est ça. C'était un genre de costume hein, qui était porté dans les années 30 par les Zazous. Les Zazous, c'était un rigolo, les Zazous. Hein. C'était un des premiers mouvements jeunes pendant la guerre. Ils portaient des étoiles comme les Juifs. En fait, c'était un signe de rébellion pendant la guerre. Ouais, ils se réunissaient dans des cafés, ils écoutaient de la musique américaine, du jazz et tout ça dans la France occupée. C'était un des premiers, bah, si ce n'est le premier mouvement de teenage, tu vois. Ça s'appelait les Zazous. En fait, ils portaient des costumes très très larges, hein, parce qu'à l'époque, le tissu, ça coûtait cher et c'était réquisitionné. Et eux, pareil, pour protester, ils portaient des coupes assez extravagantes et des tissus, des costumes, pardon, très très larges. Par exemple, je sais pas si vous voyez The Mask, le film avec Jim Carrey. Ouais. J'espère. Il a un costume très large, un peu moche, jaune. Et ben ça, c'est un Zoot Suit, par exemple. Ah, d'accord. Et après, les gangsters américains, dans les années 30, ils mettaient ça. Enfin bref, retour à nos moutons. Oh. Un plagiat donc tout de suite la chanson qui sort en face B du single qu'on vient d'écouter, c'est un plagiat d'une chanson de The Dynamics qui s'appelle Misery. Et là c'est pareil, c'est repris note pour note, ça me faisait marrer du coup parce qu'ils ont sorti un EP deux titres et les deux chansons c'est des gros plagiats, ils ont juste changé les paroles. Et zéro poursuite judiciaire à la classe. Bon, quelques mois plus tard, les High Numbers vont redevenir les Who et devenir un des groupes les plus violents du monde hein, pendant quelques années. Les Who, c'était ouh, ouh, ouh. Rien à voir avec les petites chansons pop de seconde zone hein, qu'ils ont sorties jusque-là. Mon cher Vincent, ça va être la fin de l'émission. C'est bientôt la fin. Après. C'est un dernier morceau, exact. Où est-ce qu'on peut nous retrouver, Vincent? Alors, on nous retrouve sur Twitter. Ouais. On s'écoute ça. On se lance dans les périscopes en plus. TECA. On se lance dans les périscopes. Peut-être qu'on fera un live si on y arrive. Mais après, ça c'est autre chose. Il y a le Facebook. Facebook.com/ on s'écoute ça tout de suite. Il y a le PodCloud. On s'écoute ça tout de suite pour un podcloud.fr. Vous... Et bien sûr, sur Podcast Addict, on a un flux RSS. Donc, vous n'avez aucune raison pour de ne pas écouter ne pas émission. Nous écouter. Bah voilà, c'était très prochain sympa thème. Sur les plagiats. J'espère qu'on a plagié personne en faisant ce concept d'émission. Non. On embrasse tous nos auditeurs très fort, surtout maman, salut, je t'appellerai, t'inquiète pas, t'es pas obligé de me rappeler ce soir. Et puis à toi Vincent, ah je te ouais, laisse déjà, en beauté. Quel est le prochain thème déjà? Mais on sait pas, on sait jamais. Non, je vais juste dire, juste parler de PodRen tant qu'on y est. Ah, oui, mais qu'est-ce que PodRen Vincent? Le 29 et 30 octobre à Rennes, il y a PodRen, c'est un rassemblement, une rencontre entre podcasteurs et poditeurs que je co-organise, donc venez, ça va être sympa. Est-ce que c'est libre même si on n'est pas podcasteur? Mais c'est ouvert à tout le monde, même les curieux, et c'est même gratuit, figure-toi. Et t'auras même, si tu viens, t'auras même du café, des gâteaux et peut-être à manger le midi gratuitement. Israël ou Palestine? Ça va plus couper. Voilà, il y aura des enregistrements, des débats et tout, des émissions en public. Peut-être que Noé participera à un truc en public, on ne sait pas encore. Hein. Bah, j'espère que je serai tiré au sort pour bien sûr. PodJam. Et oui, voilà. Donc allez sur le site podren.fr, inscrivez-vous si vous venez, hein, ce sera plus simple pour nous. Voilà, et puis ça va être à moi de me charger de la dernière chanson de la playlist, encore une fois. Ça ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Hein. Mais bon, en même temps, tu sais que j'aime bien les instrus et tout, et on les passe tout le temps à la fin. Bon, 1997 sort Bittersweet Symphony, hein, The Verve. Hein. Eh bien, The Verve aurait plagié une version orchestrale d'un morceau de Rolling Stones, The Last Time, une version orchestrale dirigée d'ailleurs par Andrew Oldham, hein, qui n'est autre que le manager et producteur des Stones à l'époque. André ouais. Vieux Jambon. Exactement, c'est André Vieux Jambon. Et en fait, l'histoire, Richard Ashcroft a demandé l'autorisation de sampler le morceau de la part... de sampler le morceau à l'orchestre d'Andrew Oldham, d'André Vieux Jambon, on va dire, en faisant un accord 50-50. Okay. Ils ont eu cette autorisation, mais attention, objection. De la part des avocats et des autres managers des Stones, hein, qui eux jugent que Richard Ashcroft a trop samplé justement le morceau d'origine. Et ils ont passé un coup de fil très clair, hein. On vous assigne en justice, on veut 100% des thunes, sinon vous retirez l'album des stores. Bon, bah, The Verve n'a pas eu le choix, hein. Bien qu'ils aient eux-mêmes écrit d'ailleurs les paroles de la chanson, eh ben, ils ont dû céder les crédits pour les paroles entièrement à Mick Jagger et Keith Richards, crédités en tant que paroles pour Bittersweet Symphony. On s'écoute tout de suite l'original de Last Time par The Andrew Oldham Orchestra, et on se dit au revoir. Au revoir.